Ce qui veut dire qu'on a dit au revoir à 6 pièces. Et quand on dit au revoir à 6 pièces, faut faire Palmer, rest in peace. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. Les pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 21 au 27 avril 2014, donc la dernière édition de la saison hivernale printanière des palmarès fous. On commence avec Canaille et Poisson d'avril qui a duré 3 semaines, ensuite Ariel et Ma Haine avec 6 semaines, Marc-Antoine Larche et les Courants d'art 7 semaines, Simon Koenig fait moi mal avec 8 semaines, Kendall avec Demon 6 semaines et Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Two Vikings qui a duré un bon 7 semaines. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace. C'est la seule chronique survivante des palmarès fous pour la version estivale. Dans notre version condensée d'une heure, on fera pas un instant classique, on fera pas C'était fou, des trucs comme ça. Donc, ailleurs dans le palmarès, entre autres, ces chroniques-là reviendront à l'automne.